10 mars. Ben oui. Déjà. Le temps qui passe et jamais n'efface le 10 mars de ces beaux jours passés. Toi qui me laisses tant de tendresse et en même temps un peu de regret. Où est passé mon Québec? Où sont passés les beaux jours? En ce 10 mars, je vous demande de monter le volume. S'il vous plaît, monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon qui. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Coucou! On l'a jamais commencé de même, hein? Coucou! C'est comme une boîte à musique. Est-ce que c'est comme ça? Vous savez, quand on se procure des boîtes avec un clown à l'intérieur, pouf! Il peut exploser à n'importe quel moment. C'est quoi? C'est une boîte à con? Ouais. Une boîte à surprise! Une boîte à surprise! J'en ai jamais eu. La musique, hein, commence. Pou! Là, le clown t'arrive en plein visage. Oh, là, tu fais des sauts. Moi, j'haïs ça faire des sauts. J'en fais plus depuis au moins 15 ans, puis c'est vrai! C'est quand même... J'aimerais ça rencontrer un psy pour lui demander pourquoi je ne fais plus de sauts. Parce que tu es un sot, donc le sot ne sautille pas trop. Oh! Ah, c'est important, là! Alors, quand il y a concomitant, la conjonction, quand il y a mon côté singe, ça. Ça m'arrive. Je suis pas loin, moi. Je ne vais pas tomber très, très loin du singe, moi. Les autres, oui, là, mais j'essaie de le garder, hein, mon petit côté. Alors, quand il y a un genre de lien, une juxtaposition. Fait que quand tu parles de juxtaposition, tu ne toucheras jamais. Tu es juxtaposé. C'est une parallèle très, très, très, très proche. Là. Il n'y a pas de croisement. Fait que, mais entre le croisement, là, tu sais, dans le milieu, c'est comme un tuyau. Quand il y a un tuyau, il y a quelque chose qui passe dans le tuyau, normalement. Moi, c'est du... je le disais la semaine dernière, c'est du sirop d'érable. Oui, ça, on le sait. Tout le monde le sait. On a parlé dans les journaux. Je m'excuse infiniment auprès de ma progéniture qui croyait que j'étais humain, mais... On arrive très vite à la conclusion que l'humanité n'est plus vraiment très, très elle-même attribuée à ce qu'on appelle des humains. C'est du barbarisme. C'est pardon! C'est de l'improvisation. Ah oui, je le dis souvent, c'est de l'improvisation. La vie, c'est de l'improvisation. Tu viens au monde et après, le mieux, c'est d'improviser. De chercher. Puis quand tu trouves un peu, tant mieux. Quand tu trouves jamais, c'est pas grave. Claude Nougaro disait souvent, je suis à côté, ben, lorsque j'ai écouté son documentaire, tu radotes, tu verras que tu radotes. Juste dire le mot radoter à chaque émission, les gens vont se dire, mais c'est vrai, il radote, il dit tout le temps qu'il radote. Claude Nougaro disait, je suis souvent à côté de la plaque. Et là, je me suis senti comme appartenir à ce gars-là. J'ai dit, hey, je suis pas tout seul. C'est important de sentir ça. Puis même si le fait d'être hors norme, c'est intéressant et important. Quand il y en a un autre que tu adores, qui te motive à vivre, te dit la même chose. Hey, on est deux. Il y a moi puis il y a Claude. Puis là, j'espère que plusieurs autres vont se joindre à nous. Si vous êtes en dehors de la plaque, vous vous sentez en dehors de la plaque, écrivez-moi. Rénal Québec. Je suis en dehors de mon clavier. Je suis en dehors de ma tête. Moi, là. Je t'entends presque pas, là. Il y a presque pas d'onde qui arrive, là. Je suis dans le tournoiement de l'infini, là. Je suis pas loin des étoiles. Je parabolise, là. Loin des circuits nerveux. Ah, heureusement. Ça m'énerve, les circuits nerveux, moi. Oh, mon Dieu. Un nerf, moi, là, voir un nerf. Je dis, voyons, calme-toi le nerf. Pourquoi les nerfs ne se calment jamais? Est-ce que c'est une obligation, lorsque tu deviens un nerf, de t'énerver? Peut-on avoir un nerf calme? Un air bête, oui, là, mais les airs bêtes, on en connaît. On peut les nommer. On a 2 heures. Non, il nous reste 54 minutes. Bon, déjà là, 3/4 du monde ne pourront pas passer par là. Mais les gens qui sont membres de CKRL, eux, ne font pas partie de ce genre de stratégie étrange. Tous les autres sont à regarder un par un. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est trop facile. La facilité tue. Enfin, ne tue pas, mais la facilité, souvent, amène à un résultat un peu sommaire, là, un peu hirsute, extravagant, non établi. On peut même dire que ça nous fait croire que c'est pas très sérieux. Hein? Tout le monde est comme ça. Ah non, fais-toi-en pas, tout le monde est comme ça. Ah oui, quand il fait noir, on a peur. Ah ben oui, comme disait Renaud. J'aime tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Le monde a peur de souffrir. Ah, hein? Oh, mon, souffrir. Souffrir d'aimer. Ah, oh, moi, je ne vais pas aimer. J'ai déjà aimé 2 fois. J'ai souffert. Ah, oh, mon, ouais. Mon premier amour a duré 2 semaines. J'ai souffert au moins 2 ans. Ah, oh, tout ce que j'ai. Non, mais c'est parce que je me remémorais, moi, là, les 2 semaines condensées. On n'a pas dansé souvent, on a voulu là, le cha-cha-cha, puis tu sais, les danses qui nous rassemblent pas, là. Loin du tango, du slow, hein, monsieur? Si ce soir, on dansait le dernier slow. Non. Ah non, moi, coller-coller, le coller-serré, là, et, oh! Je serais jamais revenu, là, 2 semaines de coller serré. Ah, oh, mieux vaut s'aimer en se regardant, en se souriant. Je t'aime. Il y a un amour comme ça, là. Vous allez dire, ouais, c'est enfantin. Moi, ça, c'est enfantin. Enfantin toi-même, là. Tu vois, tout ludique, toi, il n'y a rien de ludique là-dedans. L'amour peut l'être ludique. Puis heureusement qu'il y a certaines soirées où on peut se décontracter. Durant, tu parles en bébé. Là, à un moment donné, je change ma couche. Puis, ouais, oh, t'es plaisir de même, ça. Ouais. OK. Je suis seul là-dedans. Je suis à côté de la plaque. Je suis seul dans. Ah oui? Il y a quelques fantasmes. Oui, ça se dit pas à la radio, OK. Non, mais c'est bien de me le dire que ça se dit pas à la radio. On le dira pas. Donc, on va censurer. Il me semble qu'il n'y a rien de pire que la censure. Mais quand la censure ne blesse personne, personne en particulier, là, si c'est du monde en général, il n'y a pas de problème, mais si on pointe un individu, public ou pas, j'en vois un dans ma tête. Tu sais, avec le petit toupette, là. Non, c'est pas Hitler. C'est plus contemporain, là. Ouais, il pourrait être premier. Yeah, ouais. États-Unis. Ouais. C'est lui. Croyez-moi, je me suis pas trompé. Trompé. Hey, avoir le budget, là, je ferais jouer 300 trompettes. Histoire de me dire que je me suis pas trompé, puis pour amener le... Un peu comme Elvis, là. Ouais, mais là, quand t'as pas de budget, t'as une genre de trompette buccale. Quoique, si tu joues pas de la trompette au niveau de ta bouche, j'aimerais pas sentir le bout de ta... Comment t'appelles ça, le bout de la trompette? Un dentier? OK, parce que toi, t'as collé le dentier. Ah, mon dieu. Ah, oui. Ah, c'est intéressant. Fait que... Alors, personne d'autre peut toi... Ah, mais c'est brillant. Monsieur, le trompettiste, a collé sa prothèse dentaire, donc il n'y a personne d'autre qui peut utiliser sa trompette que lui, parce qu'il y a des empreintes au niveau de la prothèse. Vous, c'est en haut et en bas. Prothèse dentaire, sol et grenier. Sol et grenier. Sol, c'est grenier. Mère. Ça fait bizarre, hein? Puis vous... OK, vous proposez ça dans des... Oh, dans des expositions. Ça vous rapporte beaucoup d'argent. Même si vous jouez mal, c'est pas important. C'est d'avoir l'idée. Félicitations. J'espère que beaucoup de trompettistes sans trop de talent poseront leurs prothèses en haut et en bas sur le... Puis que ce soit en haut ou en bas, quand ça fonctionne pas, c'est... Hein, quand c'est pas les empreintes, c'est comme digital, là. C'est unique à chacun. Oh, mon Dieu Seigneur. C'est comme Chuck Berry. Non, c'est comment il s'appelle le trompettiste Chubby Checker? Non. Eh, monsieur, je m'en souviens. En tout cas, il est mort de, comme beaucoup de ces artistes-là dans les années 50-60, d'une overdose. En tout cas, on ne s'allongera pas là-dessus pour ne pas être à côté de la plaque puisqu'on virevolte depuis quelques minutes là-dessus. Je pense que ça commence par Chick. Check-moi le gars, il a l'air louche. Non, regarde-moi le mec. Il me semble étrange. Non. Chick-B, Chicker, Chicky, Choco, Chickim, Chocon, Coaching, Nottingham Legging. Regarde-moi le legging. Sinon, tout va bien chez moi. J'ai commencé à peinturer. Je refais mon salon. Je sais que ça a l'air insipide de raconter ça comme ça, mais c'est de trouver la couleur. Parce que tu sais que tu vas rester accroché à cette couleur-là pendant beaucoup d'années. En tout cas, dans mon cas, là, c'est peut-être même jusqu'à la fin de mes jours. Parce que je peinture très rarement. Mon studio ici, qui s'appelle le Studio des Abbesses, où je fais mes émissions, c'est vraiment ce que j'ai voulu, même au-delà de ce que je croyais. Parce qu'il est super beau, super intéressant. Quand je le regarde, il m'inspire. C'est pour ça que si je fais des mauvaises émissions, c'est à cause de moi. Là. C'est pas à cause de mon environnement. Il y a des belles photos d'artistes que j'ai rencontrés à Paris et qui m'ont donné leurs œuvres. J'ai une peinture ici de Mme Jonqueville, exceptionnelle. J'ai des photos, j'ai des affiches de Ryoko en concert, le voyage en Bretagne, où elle faisait une tournée piano-voix. Elle me l'a remis, j'ai collé ça, c'est merveilleux, ça me donne des sources, ça me donne de l'énergie. Les gens qui ont du talent, il n'y en a pas tant que ça. Il y a aussi Justine Payot, une actrice que j'ai rencontrée et que je vais vous présenter dans quelques minutes. C'en est une! Très content! Parce que quand tu regardes la télévision, c'est heureusement que je ne suis pas dans ce cas-là, moi, là. L'actualité, tu dis, ah, c'est déprimant. Bon, c'est déprimant, arrête de... T'es pas obligé. Hein? Sors de là. Sors du moule. Au lieu de regarder le téléjournal, ouvre-toi un bon livre. Ou un livre. Parce qu'un bon livre, c'est relatif. Ça peut être bon pour certains, mais pas pour d'autres. Écris. Écris n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est l'écriture automatique. Pas obligé d'avoir un vocabulaire ou des liens. Tu pars avec un mot, tu enchaînes sur un autre truc. Ça peut être très étrange, mais c'est pas important. Tu te relis après et tu vas trouver quelque chose de juteux et tu le reprends dans un texte, une nouvelle. Moi, j'ai pas de talent, moi. Je fais des fautes même quand je parle. Je me définis comme un indéfini. Je suis indéfinissable. Comme un peu ma recette de sucre à la crème. Elle est indéfinissable. Je la réussis jamais. Fait que c'est pour ça qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe là-dedans, là. Ma conjointe me dit « Tu brosses pas assez. » À un moment donné, je vais brasser. La cuillère en bois a cassé. J'ai-tu assez brassé? Elle dit « Moi, c'est rendu du plâtre. » Ben oui, mais c'est toi qui m'as dit de brasser. Dis-moi pas ce que tu veux pas que je fasse, là. T'es au moins... Hop. Arrête de me donner des commentaires. Un sucre à la crème à la cuillère, c'est très bon. Ou même, tu places ça sur une baguette. Sur un pain. Quoique un pain, c'est une baguette, là, mais en tout cas, sur quelque... Une croustille. Oh, non, une croustille, c'est moins bon. Sucré, salé. Bon, quoi qu'il y en a qui aiment ça. L'intérêt, c'est de se faire plaisir, même si les autres n'aiment pas ça. Si toi, t'aimes ça, c'est ça l'important. Pourquoi faire plaisir à tout le monde? On veut toujours, hein? On est des êtres vivants. En tout cas, moins, là. Je me sens de moins en moins vivant. Si tu demandes, est-ce normal, docteur? Je me sens comme Roger Rabbit. Connais-tu Roger? Il y en a des Roger, là. Il y a Roger Wentaker. Mais il y a Roger Rabbit. Tu sais, celui qui mange des carottes. Il y a quoi de neuf, docteur? Comment? À quoi de neuf, docteur? À quoi de neuf, docteur? Non, c'est quoi de neuf, docteur? C'est quoi de neuf, docteur, avec la liaison. Quoi de neuf, docteur? À chaque fois qu'il y a des gens dans mon supermarché qui achètent des carottes, j'ai dit « Ah, oh, vous avez Bugs Bunny, vous avez comme... Oh! » Les gens me regardent « Ouais, ouais, c'est pour Bugs Bunny, là. » Non, mais juste ma réplique a l'air étrange. Il y en a qui embarquent « Ah, oh, oui, c'est pour Bugs Bunny! » Sûr qu'il y a des réflexions là, qui passent là, dans le cervelet des j'allais dire des patients. Des impatients. Parce qu'il faut être patient. Mais un jour, quand on n'est plus patient, on devient... Oui. Ben oui. On devient... Comment dire, donc? On a la mèche courte. On veut que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Imaginez-vous si vous vous intéressez au billard. Pensez pas de rentrer la boule là maintenant, à cet instant précis, si il y en a qui peuvent arriver à ça. Les gens qui ont la baguette dans le sang, là. Moi j'ai la baguette dans le sang, moi j'ai la baguette dans le sang, moi c'est dans le sirop d'érable. C'est une autre histoire. Hein? C'est deux semaines, là, puis ça se touche. Les tuyaux se touchent. Puis là, comme j'ai une belle rencontre avec Justine Payot. J'avais plein de monde dans ma tête, là, plein de visages féminins. Et puis là, j'ai comme transgressé Julia et Justine. Mais comme Justine a beaucoup de choses à nous dire, et surtout des trucs plus intéressants que moi, non, nous n'irons pas directement à elle, mais nous allons passer à une petite... un petit lien, oui, un lien musical. Mais avant, nous avons le générique. Voyons donc, hey, on a payé un concepteur de sonorité à nous faire quelque chose d'intéressant. Il s'appelle, comment il s'appelle? Rénal Gagné. Bon, alors, voilà, allons-y. Allons-y. Ah, mais oui, mais avant d'y aller, il faut peut-être monter, hein? On y va. Moi je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Cette nuit, nous nous offrons un trésor, un cadeau, des perles, 2-3 perles, de Roy Orbison avec ses amis. Donc, on se laisse envoler. Puis, on revient pour mon invité. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I look away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do, and I fall asleep. Dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine. Sweet dreams, baby. the hurt to the boat to the sea for Leah. I gotta go diving in the bay. Gotta get a lot of oysters, find some pearls today to make a pretty necklace for Leah. Gotta go deep and find the one just right. I'll bet my Leah'll be surprised tonight. I'll place the pearls around the only girl for me, Leah. But something's wrong, I cannot move around. My leg is caught as Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Ça tourne. Action! Cinéma. Roy Orbison, le grand Roy Orbison, celui qui a eu des vies, une vie très complexe et difficile et qui a fait son chemin à travers la musique et à travers l'existence comme un héros. Et là, je reçois mon héroïne, Justine Payot. Quand j'entends le prénom Justine, j'ai bien sûr à l'idée l'œuvre de Sade qui s'intitule « Justine ou le malheur de la vertu ». Mais elle rigole. C'est certain qu'elle rigole, voyons donc. Elle ne peut pas faire autrement. On dit que le rire est tout près du pleur. Oui, mais je n'ai pas dit qu'elle pleurait, qu'elle riait. Ben oui, oui, je sais, mais du rire aux larmes. Il y a une chanson qui s'appelle comme ça. Ah, non, il va la faire. Rire aux larmes, rire aux larmes. Ça fait peur en rigolant de rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. Rire aux... Parce que là, j'essayais de syntoniser le couplet. Ça venait pas. Il y a des fois que ça vient pas, puis il faut pas non plus forcer. Forcer la note. Quand tu forces la note, à un moment donné, tu es surpris, là. Hein? Voyons donc. Hey! Ça me coûte pas ce prix-là. Ben oui, mais vous avez forcé la note, monsieur Rénal. Rénal, gagnez. Vous avez rien gagné. Vous allez payer le plein prix, vous, là. Sauvez-vous pas à cause de votre nom. On les connaît, ces hurluberlus-là. Restez sage, restez dans votre coin, on va appeler la police. Non, attendez, je vais payer, ben oui. Ils sont tous de même, je vais payer. Ben vas-y, crache. Mais là, j'ai pas grand-chose à cracher parce que... je vais vous expliquer un peu ma vie. Mais non, hey, crache. Ben oui. Avant de cracher, j'aimerais bien cracher, mais je l'ai craché un peu encrassé. Là, je suis un petit peu intimidé de vous relater, de vous raconter un peu ce qui se passe, là, ma vie, là, mais j'ai une prothèse dentaire. Ouais, pis? Ben, comme ça fait très longtemps qu'elle m'appartient. Oui! Ben, elle n'est plus très adhérente. Adhérente. Elle te dérange, ah ouais, elle me dérange tellement que je mets de la colle. Oh! Quand tu mets de la colle à prothèse dentaire, tu viens la bouche sèche. Oui. Très sèche. Et puis, tu cherches aussi le ridicule. Et le ridicule arrive tout le temps. Ben oui. Ben oui. Et puis, ben et puis quoi? Et puis, ben arrête de me dire et puis. La bouche devient sèche. Ouais. Alors? Ah, là, c'est mieux de dire alors, parce qu'on voit les trois points de suspension, puis on attend le reste. On attend. Bien, on attend combien de temps? Bien, on attend que le temps que ça dure, là. Si ça fait dur pendant 2h30, ça fera dur pendant 2h30. Si ça dure 15 secondes, ce sera 15 secondes. Là, sincèrement, là, je crois et je demande et j'espère que tout cela s'arrêtera très rapidement. Et puis? OK. Bon, on vous laisse trois points, toujours, de suspension pour vous inviter à rencontrer mon amie Justine Payot. Justine Payot est une curieuse, une chercheuse, une véritable intellectuelle qui est comédienne de théâtre, aussi de cinéma. Elle fait des voix off, mais des voix off, c'est quoi? C'est du doublage. Pas toujours du doublage, on a des voix off, c'est lorsque vous entendez un documentaire, Attends, on va t'expliquer, là, quand je regarde un documentaire, je le vois pas. Ben oui, je le vois, mais je l'entends pas. Mais Justine Payot amène la voix, sa voix unique, que vous allez entendre. Là. Vous avez une chance incroyable. Profitez-en. C'est juste le 10 mars 2017 que ça se passe. Là. Elle fait aussi du doublage. Puis là, l'intérêt, là, lorsque vous allez l'entendre, c'est de vous demander. Ben, mon Dieu, il me semble que ça me dit quelque chose, cette voix-là. Hey, Raymond! On l'a-tu entendu dans Symphorien? Symphorien? Ben non, c'est une télésérie québécoise! Des années 70! Ça te dit rien, j'espère? Ben oui, ça me dit quelque chose. Ben oui, mais Justine Payot, elle a jamais joué là-dedans! Ben, non, elle n'a pas joué. Elle n'avait pas de voix off. Non. Elle n'avait pas fait de doublage. Mais non, c'est une série québécoise. Il n'y a pas de doublage dans une série québécoise quand tu es à Québec, au Québec. Si tout ça s'est exporté ailleurs, en Belgique, je crois bien que Justine Payot ait fait cette voix-là. Laquelle? Oh, hein, c'est ça, hein? C'est ça le plaisir, là. Quelle voix dans Symphorien, dans l'émission Symphorien, Justine Payot aurait pu prendre? Rapidement comme ça, moi je me dis Berthe l'Espérance. Hein? Minou, imaginez-vous. Arrêtez les minous, restez chez vous, calmez-vous. J'ai pas de petits minous, mini, c'est quoi, de la bouffe de minou? J'en ai pas de la bouffe de minou. De la bouffe de minou, mon champion, ça s'appelle de la moulée. Oh, ah oui. Moi, j'ai de la moulée au creux de mon champ. Perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Mais pour le moment, on perd rien à entendre, à nous faire entendre, à nous coller à la sonorité de ma douce invitée en ce beau 10 mars. Voici Justine Payot. C'est bon? Ben oui, c'est pas long. C'est bon, hein? Tu me captes. C'est pas compliqué. Ben non, c'est clair. Salut Justine, comment ça va? Ben écoute, ça va pas mal. Ben et avant tout, je vais te remettre... un petit cadeau? Ben, j'en ai même deux. T'en as deux? Oui, parce que je sais qu'il y en a un que tu m'as demandé. Ouais. Il y en a un que je veux te faire partager. Parce que tout ça a une histoire. OK? Une belle histoire. Vas-y, raconte-moi cette histoire. Ben c'est ça. Alors, le premier... En plus, c'est dans un truc quand même. Donc, ouais, c'est protégé. Ouais, ouais, c'est très protégé. Ça passait aux douanes, déjà. Là, c'est... Alors ça, c'est le livre que... Ça, c'est ce que je t'ai demandé. Ah, oui. Mais t'es trop gentil. Mais... Ça fait plaisir. Et ça, c'est un livre de Sylvain Trudel, Le souffle de l'Harmattan. D'accord. OK. C'est une fable beaucoup plus intéressante que Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah! OK. Moins infantile. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, toi? Un moumon? Oui, un an. Ah, ben voilà. À chaque année. Alors, l'année prochaine, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Qu'est-ce que je vous sers? Toi? Moi, je vais prendre un sirop d'orgeat. Ouais? C'est ça? La même chose. Allez. Donc, Sylvain Trudel, c'est à l'époque, là, OK, parce qu'on va se mettre... C'est quelle époque, du coup? Ben ça, c'est son premier roman. Je crois que c'est 86 ou 86, okay, c'est ouais. Ça? Ça doit être un truc dans le genre, parce que je vois après 89, 2001, enfin, okay, bon. C'est cette époque-là. Alors, lui était étudiant à l'université. Ouais. Et il restait avec ses parents. Donc, pour pouvoir continuer à rester chez ses parents, il faisait croire qu'il allait à l'université, mais il écrivait ce livre-là. Il allait à la bibliothèque et rédigeait ce livre. Et c'est extraordinaire, c'est sur la vie, la raison de l'existence. Et c'est une écriture pleine de métaphores. D'accord. Plein d'images, c'est du Alain Bachung sonore. Et tu vas voir, c'est des mots très sonores. Et c'est un livre qui m'arrive de donner comme ça parce que c'est méconnu, même au Québec, puis ça vaut la peine d'être lu. C'est vrai, même au Québec? Oui. Ben, écoute, il y a eu le prix Molson à l'époque. Le prix Molson, ouais. C'est une bière québécoise. D'accord. Bon, ben c'est... Prix Cronenbourg. Oui, c'est ça. Non, c'est la base gamme. Et donc, je crois qu'il a eu 10 000 $ pour ce livre-là. Et donc, c'est ça, c'est un livre extrêmement intéressant, tu vas voir. Il y a des personnages là-dedans, sur l'exil, beaucoup d'exil là-dedans. D'accord, mais c'est formidable. Mais j'ai mes livres de chevet. Oui, mais c'est... Oui, puis je suis sûr que tu peux le relire à plusieurs... Ouais. À plusieurs époques de ta vie et tu vas comprendre. Mais comme Le Petit Prince. Oui. Voilà. Vous n'aimez pas Le Petit Prince, non? Ah oui, non, mais tu me tutoies, hein? Ah oui. Non, mais je dis en général. Ah non. Puis en plus, Le Petit Prince, l'histoire véridique, c'est que ça a été écrit à Québec. Ah oui? Saint-Exupéry était un ami de M. de Coninck, qui lui était un intellectuel. Et donc, il habitait chez lui. Et c'est durant ses vacances à Sainte-Foy, ça c'est un endroit à Québec, un peu comme la rue des Abbesses. Ouais. Ben, il a écrit Le Petit Prince. Le Petit Prince. Ouais, c'est d'accord. Ah, je et c'est inspiré du fils de M. de Coninck, qui aujourd'hui chapeaute une idéologie très saine de ne pas boire en conduisant. C'est plutôt intelligent comme c'est idéologie, ça, voilà, hein? C'est pas mal. Et donc. C'est lui à travers Le Petit Prince. D'accord. Très intéressant. Donc, ça va te faire de la lecture. C'est super, parce que tu vois, je cherchais plein de bouquins à lire là pendant mon mois de juillet mais, à Avignon. Je comprends pas pourquoi tu pouvais pas trouver ça. Ça? Ouais. Parce qu'il en fait, fallait que je le fasse commander et genre, c'était livré dans 6 semaines. Mais c'est pas juste ça aussi, là, c'est que la livraison, quand c'est pas au Québec, c'est plus cher. Oui. C'est très, très cher. C'est presque deux fois le prix du livre. C'est de l'arnaque. Mais, je m'en suis acheté un. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire, puis on va s'envoyer des commentaires. Carrément. Mais écoute, il avait l'air de bien marcher et ça m'intéresse. C'est une réflexion, hein. C'est pas un roman, c'est pas une nouvelle. Ouais, complètement. C'est comme un travail universitaire. Mais tu sais qu'il a en fait, c'est un comédien et il a écrit des pièces de théâtre et tout. J'ai pas lu ses pièces de théâtre, mais du coup, je le suis un peu sur Facebook. Mais comment ça, tu le suis? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fait mon école de théâtre en France, où j'ai rencontré une Québécoise qui a fait la même école de théâtre que moi. Qui s'appelle Martine Poirier, qui est retournée à Montréal depuis. OK. Mais qui n'a pas fait le métier? Qui a fait quand même... elle a fait quelques temps, puis après, de retour à Montréal, elle n'avait plus de réseau là-bas. Okay. Donc, effectivement, elle s'est pensée sur d'autres choses. Elle fait un autre métier. Elle fait un autre métier maintenant. Okay. Elle s'est lancée là dans un autre métier qui a l'air très intéressant. Elle a l'air de prendre vraiment sa vie en main, c'est génial. Okay. Mais elle a écrit une pièce aussi et tout, qui était très bien. Okay. Moi, j'ai joué dedans, c'était génial. Ah, t'as joué là-dedans? Dans une de ces pièces qu'on a montées en France. Et sur justement une famille qui a les deux cultures franco-québécoises. Et c'était très bon souvenir. En fait, c'est sur le jeu de la langue, le jeu de. Il y a des de jeux. De l'Europe et de l'Amérique. Il y a ça, parce que c'est une histoire entre deux jumeaux Un qui est parti avec le père en France et l'autre, au moment de séparation, qui est resté avec la mère à Montréal. Et les deux jumeaux, 30 ans après, se retrouvent. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, mais t'as vu, un peu comme la double vie d'Véronique, là, des aides qui... As-tu vu le film La double vie d'Véronique? J'ai pas vu, non. De Kieslowski? Non, j'ai pas vu. OK. En fait, c'est une fille qui habite la France et qui va faire un voyage en Russie et voit son double. Dans l'autobus où elle prend des photos, elle voit son double dans, à l'extérieur. Et c'est un travail, c'est tellement beau. Tu devrais la double. Ah, je regarde, ouais. C'est exceptionnel. Je l'ai vu à peu près une trentaine de fois. Ah ouais. Puis c'est Kieslowski en l'univers. Est-ce que tu connais Kieslowski? Oui, je vois, oui. Tu ne tueras point. Ouais, bah, ouais. Mais c'est, il est mort en montant son dernier film. Ouais. C'est quand même pas mal de mourir de son travail. Bah, quelque part, c'est sa passion, hein, donc je pense que tout le monde veut ça. Ouais. 46. Peut-être au début de la cinquantaine, fin de la quarantaine. Ouais, 50. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est un grand bonhomme qui a fait bleu, blanc, rouge. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Ben oui, à Pinoche et tout. Ouais. Et donc, c'est ça. Toi, ce qui t'a intéressé, on va abandonner le livre parce qu'on ne l'a pas lu. Ben oui, c'est clair, on ne peut pas en parler. Pas, c'est ça. Mais toi, tu as fait des études pour être comédienne à la base? J'ai fait à la base, non, des études... J'ai toujours voulu être comédienne, mais j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents. Okay. Donc, pas comédienne. Ah, ok, dans un autre métier. Okay. Vraiment un autre métier. Et j'ai bossé, du coup, dans un autre métier d'abord. Ok. Et qui était je bossais dans la publicité. Ah, ouais. C'était intéressant. Ouais. C'était un beau métier. Ouais. Et à la fois, c'était intéressant quand je bossais pour des causes, on va dire. Quand c'était pour la sécurité routière, quand c'était pour les enfants malades, voilà. Comme ça, le don du sang, le don d'organes, voilà. Okay. Et après, je me suis mise à bosser pour des marques de luxe. Okay. Et là, je me suis dit, mais je ne peux pas. Voilà, j'avais l'impression de pomper du fric et c'est tout, quoi. Mais c'est pas ça. Bah, c'était ça. 99 cents, c'est pas ça. Ah, le bah. Film et le livre, c'est pas ça. C'est bon, c'est excellent. Ouais. Non, mais je veux dire, le livre est bien. Oui, film est extraordinaire parce que ça témoigne de ce qui est véritablement la publicité. Dans le côté le plus machiavélique. Mais c'est ça. Et moi, j'avais l'impression de raconter des bobards tout le temps. OK. En fait, devant une salade que tu ne trouvais pas. Et quitte à raconter des histoires, je préfère le faire sur scène, tu vois. Comme la chanson de Serge Reggiani. Que c'est des histoires. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, toi. Je peux pas plaider une cause qui te ressemble pas. Je peux pas. C'est un peu. Je pouvais pas. J'avais vraiment l'impression de tromper les gens et voilà. Et je culpabilisais au final. Donc. Mais c'était payant. C'était payant. Ah bah non, mais pour le coup, oui. Bah là, c'était payant. Mais je suis pas restée suffisamment de temps non plus pour vraiment que ce soit payant. Okay. Mais. Okay. Quoi, 2 ans, 1 an? 1 an. Ok. 1 an et en fait pendant cette année-là, j'ai repris des cours de théâtre. Ok. Privé. Ouais. Cours du soir, amateur, ouais. Voilà, un cours par semaine, deux cours par semaine, trois cours par semaine. Non, mais l'école, je la connaissais pas. Claude Mathieu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'école Claude Mathieu. Ah, c'est une école qui a une super réputation. OK. Ouais, parce que... On connaît Florent, l'école Florent, tout le monde va... Oui. Il y a le beau d'un peu. Voilà. Ouais, parce qu'il y a énormément d'élèves. Oui. Mais tu sais, il faudrait être honnête, là, quand les élèves, ils vont, on devrait leur dire, attendez-vous pas de travailler, regardez, vous êtes 300, sur 300, vous allez... 3, 4, il y a plusieurs classes après chez Florent, il y a une très bonne classe où ils sont très peu et voilà. Mais sinon, effectivement, c'est un peu l'usine. Et puis toi, pourquoi c'est des cours du soir, c'est des cours après le boulot? Et alors là, à ce moment-là, c'était des cours du soir. Sauf que du coup, j'ai démissionné pour faire une école, effectivement, professionnelle, l'école Claude Mathieu. Et puis? Et puis, ça dure 4 ans. 4 années? 4 années, ouais. À temps complet? À temps 20 heures par semaine. Okay, okay. Moi, je bossais en parallèle. Okay. Du coup, j'avais un job alimentaire pour pouvoir payer mon loyer et l'école. Mmh. Oui. Tu veux savoir si j'ai mon slip rose pour aller me baigner? Tu veux savoir si demain j'ose t'inviter à dîner? Savoir si je prends la pause quand tu veux dessiner. Tu veux savoir tellement de choses, il faut que je t'emmène. T'emmener où? T'emmener où? T'emmener où? voir si je suis morose quand tu n'es pas là. Tu veux savoir si ma tête explose quand je pense à toi. Tu veux savoir si je m'impose quand je viens dans tes bras. Tu veux savoir si c'est toi la cause, il faut que je t'emmène. Ça dure 4 ans, 3 ans et demi. Et ça, ça fait depuis 2008, du coup, je suis sortie de cette école en 2008. Donc ça date un peu maintenant quand même. Mais est-ce que tu as changé d'opinion ou d'idée ou de créneau, mais tu veux te consacrer à la voix off? Non. Ok, ça change. Ouais, non, je j'ai jamais voulu me consacrer à la voix off. À la radio, tu disais. À la radio? Ouais. Alors, je cite. Ah bon? Oui. Est-ce que tu as vu ça? Ben, peut-être que c'est pas vrai. Dédé, sorti de l'école, Claude Mathieu, le comédien, compagnie Bulle de temps. Non. C'est pas encore? Moi, ça? La bulle de temps, c'est pas toi? Attends, fais voir. Ah, si. Ah, ok. Non. Ah oui, c'est moi, mais c'est pas de la radio, ça. Non, mais ah, oui. C'est bien moi. Ok, compagnie, sortie de j'ai l'école, fait un stage. Mathieu, oui. Je souhaite maintenant tourner et me diversifier. Le travail de voix off, de fiction, radiophonique et de doublage ouais. M'intéresse. Que j'ai pas fait, hein, mais oui. Non, mais tu me l'as dit, ça t'intéressait, si. La radio? Ah si, bien sûr, ça m'a intéressé. Okay. Bien sûr, mais ça m'intéresse toujours. Après, il faut trouver des portes d'entrée là-dedans. Okay, okay. Et c'est hyper compliqué. C'est encore plus compliqué que le cinéma. Ouais. Mais la voix off, qu'est-ce que tu entends par la voix off? La voix off, c'est plus du coup des documentaires. Okay. C'est plus, voilà, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, okay. À la limite, c'est des voix de dessins animés parce que le travail de comédien, on le retrouve plus là-dedans. On ouais. A plus de liberté, de jeu, du doublage. Okay. Voilà. Mais c'est plus compliqué le doublage parce qu'il y a toujours la ligne. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien les okay. Trucs un peu okay. Plus compliqués à la limite. Un peu? J'en fais pas. Non, okay. J'ai fait ma formation et okay. Suite à ça, j'ai doublé un truc pour un court-métrage assez rapidement. Mais c'est tout. C'est toujours très rapide, hein? Tu peux pas te concentrer sur le personnage parce qu'en fait, quand tu joues pas, c'est la voix. Oh, puis là, en plus, on arrive, c'est tu me fais ça, tac-tac, et au revoir. Oh, oui. On a deux prises et point. C'est des... Oui, mais en même temps, c'est pas le film en continuité. C'est des bouts que tu fais chaque jour. Ouais. En plus. Et souvent, ils nous le passent une fois. Voilà. On a la traduction en dessous, on a le. Mais t'as quelqu'un qui met en scène les voix aussi, là, qui se trouve à dire bah, toi tu vas. Ils peuvent le faire, mais c'est vraiment okay. Très rare. Et okay, c'est une fois. Enfin, okay. On le fait deux, trois fois, mais okay. C'est tout, quoi. On n'a pas vraiment d'essai. Mais en ouvrant, parce que là, t'as ouvert une petite compagnie. Là, ouais. En tout cas, est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que tu. Ma compagnie, alors ça fait un an que je l'ai montée. OK. Avant, je travaillais du coup dans la compagnie d'anciens élèves de Claude Mathieu, okay. Ou, voilà. Et il y a un an, ouais, j'ai décidé avec un très bon ami de monter notre propre compagnie, dans laquelle on fait des projets. Alors un peu plus. Alors il y a un gros projet Et il y a des petits projets en parallèle, plus facilement vendables, on va dire. Plus pour les maisons de retraite, plus pour les mairies, parce qu'ils sont moins chers. Souvent, on est deux comédiens ou un comédien, un musicien. Puis, t'es pas obligé de jouer sur scène, tu peux jouer. C'est ça, on peut s'adapter vraiment à tous les lieux. Okay. Et un peu à tous les publics aussi. Et ça, du coup, on a plusieurs petits spectacles comme ça, des petites formes, souvent qui durent 45 minutes, une heure. Mais les thèmes exploités, quand tu parles avec les personnes âgées, est-ce que tu te concentres sur un thème quand c'est pour d'autres que, je sais pas, des gens de 30-40 ans? Alors, en fait, le premier spectacle de la compagnie, ça a été des lettres de Poilu. En fait, parce que l'année dernière, c'était le centenaire. Je pense que le dernier est mort il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est aussi, c'est toute génération, parce que pour le coup, il y a un devoir de mémoire aussi. Et les personnes âgées, c'était... ils ont vu leurs parents, c'était, mais ça a été vraiment des beaux moments de partage aussi, et ça, c'était fait avec une musicienne. Ça mélangeait vraiment musique. Et on se sentait vraiment bercé. Finalement, ça a été une ambiance... C'était assez doux. Et à la fois très prenant aussi, parce que il y a certaines lettres... On voit toute la souffrance du soldat, c'est très dur. Mais est-ce que c'est un travail d'écriture ou si tu prends déjà des scénarios, des textes préparés? Alors là, c'était des vraies lettres. Okay. Que vous avez mis bout à bout ou que vous avez pris dans un livre et que vous avez lu... Qu'on a mis bout à bout, il y avait une dizaine de lettres en fait. Okay. Ça c'est plus la personne avec qui j'ai construit ma compagnie qui l'a fait ce spectacle. Tu jouais dans... Et moi je l'ai remplacé en fait. Okay. Parce que lui ne pouvait pas faire la date. Juste pour une date. Mais est-ce que c'est de la lecture ou... Là, c'était une lecture, mais après, les lettres, on les connaissait à force de les répéter. Okay. Mais effectivement, le fait que ce soit de toute façon à la base une lettre, je pouvais aussi me permettre de la lire. Donc, c'était pas gênant, finalement. Non. Et il y avait une petite mise en scène et tout, mais très simple. Parce que c'est vraiment un spectacle pas cher, qui est vraiment accessible à n'importe quelle petite mairie pour amener le spectacle aussi n'importe où. mais c'est bien aussi parce que tu sais, il n'y a pas toujours des scènes où tu peux monter. Et puis j'ai l'impression que c'est de moins en moins accessible, ces grosses scènes aux petites compagnies. Donc de toute façon, je pense que nous, on a tout intérêt à tout faire pour investir n'importe quel lieu, à la limite. Et c'est la vision d'Artaud aussi, c'est de jouer parmi les gens. Bah, oui, tout à fait. De s'incorporer. Théâtre populaire. Et de savoir qui est comédien et qui est spectateur, on ne sait plus. Quand on est vraiment pris dans... Tu sais, c'est comme les jeux de rôle, là. Oui. C'est intéressant, ça aussi. Les gens viennent manger, puis il y a des meurtres, puis on ne sait pas... Québec, ça fonctionne très bien. Ça marche bien, ça, ouais. Peut-être qu'ici aussi, je ne sais pas si... Je ne sais pas ici. Okay. Il y a ça. Alors, sur Paris, je ne sais vraiment pas. J'en ai entendu parler. C'est bloqué. Ouais. En banlieue, peut-être pas. Je ne sais pas. Okay. Et puis toi, ta compagnie travaille sur plein de projets. Avez-vous aussi un volet enfant ou c'est juste... On est en train. Moi, je suis en train d'écrire une pièce, effectivement, pour les enfants. Okay. De quel âge? Je vais dire entre 4-7 ans, 4-8 ans. Alors la durée doit être quand même une trentaine de minutes. Voilà, plus, c'est okay. 30-40 minutes, pas plus. Parce que je pense que voilà, il y aura des petites chansons aussi, donc ça peut permettre. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le travail pour enfants? Je sais pas si t'es maman ou tu veux... Je suis pas maman, okay, je suis tata plusieurs fois. Okay. j'ai fait une pièce de théâtre pour enfants cet hiver, j'ai joué. Et c'est vrai que... Alors ils sont venus me voir, mes neveux et nièces. Je sais pas, le public de... Tu sais quand ça fonctionne. Oui, tu sais quand ça fonctionne. Et ça fonctionne très facilement. Même si, il faut pas non plus les prendre pour des idiots. Mais... ils sont à fond, en fait. Tout de suite, ils rentrent dans l'histoire. Si tu rentres dans l'enfance, ils vont jouer avec toi. Ils vont jouer, ils sont... Le public et le public parisien. Il y a un côté aussi où, de toute façon, il y a tellement d'offres de pièces de théâtre sur Paris qu'aller au théâtre, c'est comme aller au lavomatique. Ils font plein de pièces pour enfants. Ici, en arrière, c'est super, super. Ouais, de toute façon, il y a plein de théâtres pour enfants à Paris où c'est... Donc, ça remplit et tout. Hein. C'est un bon créneau aussi, le théâtre pour enfants. Alors, ça peut être intéressant pour toi aussi. Là, tu es rendu à quel niveau? Là, je suis rendu au niveau de justement trouver des petites pièces comme ça. À la fois moi qui me plaisent beaucoup parce qu'il y a un vrai partage. C'est pas de l'écriture. Bah là aussi, le spectacle pour enfants, je suis en train de l'écrire. Avec des chansons. Avec des petites chansons aussi. Il y a un musicien qui est avec toi. Voilà. Voilà, ça, puis des petites marionnettes, des petites trucs, enfin, voilà. Éventuellement, est-ce que ça peut te donner le goût de toi te lancer dans la chanson et de... Alors, j'en ai fait. Okay. J'en ai fait à une époque. Je pense pas que je me reconcentrerai vraiment là-dessus, que là-dessus, en fait, que ça deviendrait une priorité. Mais oui, j'aime ça, vraiment. Joues-tu d'un instrument? Je joue pas d'instrument. J'ai jamais fait de musique, à part à l'école, voilà, mais pas en dehors, en tout cas. Donc, je sais pas lire de partition, je sais pas... Comme plusieurs chanteuses et chanteurs. Hein. Oui, non, voilà. On serait surpris d'entendre des grands... Ben, peut-être pas les grands, mais ceux qui sont connus et populaires. Oui, oui, oui, c'est possible, effectivement. Ouais. Après, moi, ça m'amuse et tout, effectivement, j'aime bien le faire. Après, je sais que je suis pas... Voilà, pour avoir des amis chanteurs, chanteuses et tout, c'est pas le même niveau. Voilà, c'est pas possible. Ah, non. Peut-être plus à Carla Bruni. Voilà, oui, peut-être que je fais mieux d'ailleurs. Mais que non, mais Bruni, je fais la guitare, peut-être. Mais... Voilà, elle sait lire une partition sans doute. As-tu cette curiosité-là d'apprendre à jouer d'un instrument ou si tu veux pas. Parce que c'est beaucoup de travail, hein? C'est beaucoup de travail. Et je me dis surtout, moi j'aimerais bien, plus j'en fais, plus je suis contente. Mais après, effectivement, c'est du temps que tu perds pour autre chose. Ouais, puis. Et je me dis déjà. Déjà, il y a beaucoup de travail. Mais arrives-tu à vivre un peu de ce que tu fais? Alors, je vis de ce que je fais. Je vis de mon métier de comédienne. Okay. Depuis pas si longtemps, mais en ça jouant, y est. En jouant quoi? En jouant pour les personnes âgées? En jouant pour les personnes âgées, pour mes autres pièces, en fait. Okay. Hein, les autres pièces qui m'ont apporté aussi, voilà. Des animations pour les enfants aussi. Mais pourquoi tu as décidé de rester sur Paris? Parce que du coup, j'avais mon réseau à Paris. Okay. Et effectivement, moi, en sortant de l'école Claude Mathieu, on a monté des compagnies. Moi, j'ai joué à un spectacle qu'on joue toujours depuis ma sortie d'école, donc depuis 2008. On a encore des dates en 2017 et tout. Donc c'est vrai que ma famille de théâtre... Ok, alors donc, il y a une projection. Il y a beaucoup de travail qui... Je croise les doigts. Mais c'est sûr que entre les projets et la réalisation, des fois, ça peut se perdre. Ouais. Parce qu'il y a du temps. Que là, les prochaines dates qu'on a, c'est, je crois, c'est pour mars 2017. Mais d'ici là, il faut remplir aussi. Je peux pas laisser vide. Oh, et puis il faut remplir le compte de banque aussi. Il faut remplir le compte de banque. L'appartement n'est pas donné à Paris. Ben non. Et toi, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu veux raconter dans l'écriture que tu vas chercher d'autres auteurs ou de ta création à toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ou alors, ne pas dire? Ouais. Moi, c'est pas. J'ai pas des combats. Enfin, j'ai pas l'impression de mener un combat ou d'avoir un engagement vraiment. Es-tu féministe? Politique. Ce serait faux de dire que je suis pas féministe. Après, je suis pas. C'est-à-dire que je me sens plus féministe des luttes qu'on a eues. Dans les années 70. Voilà, dans les années 70. Que maintenant, parce que là, j'ai l'impression maintenant que. Bon, en tout cas, en France, la femme. Malheureuse, elle n'est pas maltraitée. Pourquoi? Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas malheureuse. Ah, malheureuse, ok. Elle n'est pas maltraitée. Enfin, il y a évidemment des combats tous les jours à mener, voilà, par rapport à l'homme, par rapport à certains, voilà, au machisme, voilà. Mais et le salaire aussi. Et le salaire, hein? Et le salaire. Vous faites le même travail en femme. Pourquoi vous n'avez pas le même salaire? Hey, là, j'étais alors, concentré sur vous. Oui, mais donc c'est ça, c'est le combat, c'est. Ouais, peut-être pour certaines choses, comme ça, je pourrais. Okay. Ça, j'ai fait, parce que j'ai fait une petite BD, d'ailleurs, où parfois, effectivement, je l'ai rendu mon personnage un peu féministe. Volontairement? Oui, okay. Oui, sur des points qui peuvent m'agacer, effectivement. Okay. Mais l'écriture, c'est ça, le dialogue, ce qui est plaisant, c'est le yin et le yang. Tu peux répondre à tes questions. Oui, c'est ça, mais je crois que c'est une projection, de toute façon. C'est le jeu de ping-pong? Oui. Et puis ça m'évite de le dire moi. Enfin, là, en l'occurrence, quand ça passait par la petite bande dessinée. Ouais. Ok, tu fais la bande dessinée. Attention, hein, c'est vraiment un niveau, voilà, amateur. Est-ce que tu fais les dessins ou tu fais... Ouais. Oh! Ouais, mais c'est vraiment un tout petit personnage. C'est une petite souris qui me représente au final, mais... Mais elle a des choses à revendiquer, cette souris? Voilà, elle revendique parfois des petites choses. Elle parle des hommes ou... Elle a parlé. À un moment donné, il y avait un problème sur les taxes, voilà, des serviettes hygiéniques, tampons et compagnie, où en France, du coup, il y a cette députée, je crois, enfin, je ne sais plus combien de députés, qui n'avaient pas voulu baisser la taxe. Écoute, au Québec, depuis un an et demi, le fédéral, parce que nous, il y a le provincial et le fédéral, a aboli sur les serviettes sanitaires la taxe. Ben voilà, ben nous, ils n'ont pas voulu. Okay. Et ça, effectivement, ça me révolte. Okay. Que je me dis, pourquoi? Mais parce que effectivement, pourquoi ce serait un produit de luxe? Enfin, on sait très bien que c'est pas un produit de luxe. Oh, ouais. Comme un mouchoir, comme... Voilà. Oh, ouais. Donc voilà, et que ça alors passe souris, normal. Et là, ma souris, du coup, effectivement, elle a pété un plomb pendant sa BD, voilà, sa petite histoire. Mais, Et puis tu vends ça à qui, à des amis ou... Ah, je vends pas. Okay. Non, mais je vends pas. Ça, je tenais un petit blog comme ça. Ça fait un moment que j'ai pas écrit. Oui. Qui existe encore? Oui. Enfin, il est toujours en ligne. Maintenant, je ne l'ai pas alimenté depuis un moment, là. Parce que j'avais moins parce le temps. Souvent, je le fais. Sur ton nom, mais il y a plusieurs. Je pense que, à l'impression, ça fait 45 pages avec des dessins et tout ça, là. Oui. Des humeurs aussi, là. Il y a des petits trucs tout bêtes, hein. Oui. C'est un quotidien. Matin, c'est un peu un journal que tu. C'est un petit peu un journal en BD, quoi. OK. Et qu'est-ce qui te plaît de la BD que l'écriture normative. Je crois que là, il y a le devoir d'être hyper synthétique. OK. Dans une bulle, il faut dire quelque chose. Dans une bulle, il faut dire quelque chose. Et en quelques images, il faut raconter l'histoire. Et il faut trouver le mot de la fin, la bonne fin, le bon... À combien de cases? Alors, ça dépend. Je me suis jamais restreinte à un nombre de cases. Il faut que le message soit dit. Que si ça prend 4... Il faut qu'il y ait une chute. Mais ça, c'est un peu le travail aussi, je crois. Mais c'est le cinéma aussi. Là. C'est le cinéma et c'est la publicité. Aussi, ça, je pense que je le tiens un peu de la publicité. Le punch. Le fait, ouais, voilà, il va falloir avoir la bonne formule, le bon truc. C'est Eureka. Ouais, c'est ça. La motivation de twister. C'est ça. Et je crois que c'est ce truc-là, ce petit challenge-là qui m'intéresse là-dedans. C'est en fait de. Un peu comme dans une chanson, de trouver ce qui va accrocher. Ouais. La petite ritournelle. Ce qui va sonner, ce qui va. Ouais. Donc, tu fais beaucoup de créations diverses. Et alors ça, c'est vraiment, je pense, et ça, j'ai commencé à le faire quand j'avais pas de projet théâtre à ce moment-là. Ah, okay. Pendant un petit moment, et bien, en fait, ça s'est tourné comme ça. Je pense que voilà, j'ai eu. Petite, ou c'est à... mais non, mais je dessine très mal, hein. Okay, enfin, bon, c'est ouais, pas non, vu, hein. Je... Mais non, mais je trouve ça bien. C'est très naïf, c'est très. Bon, oui. Voilà. Nous, on a une humoriste québécoise qui s'appelle Clémence Desrochers, qui fait les mêmes dessins à peu près. Elle dit qu'elle dessine son enfance. Donc c'est vraiment ce qu'elle esquissait lorsqu'elle était, elle avait 8-9 ans. C'est d'accord. Très beau, très naïf. Ouais, bah moi c'est ouais, ça. C'est enfin, ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Très naïf et c'est le regard de quelqu'un de naïf un peu sur le monde qui l'entoure. Écrivais-tu quand tu étais ado? Oui. Ouais. Journal? Pas journal. Poésie? Ça, j'ai jamais réussi le journal et j'en avais parce un. Parce que ça demande. Mais j'ai jamais réussi. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est parti. Et à chaque fois que tu dois te dire, à chaque soir, ben là, je dois écrire quelque chose. Ouais, mais pourtant, j'écrivais beaucoup. Ah. C'est peut-être la confidence. Mais peut-être la confidence et le fait de me retrouver finalement comme à parler à quelqu'un alors qu'il n'y avait personne. Enfin, ouais, je sais pas. Dire quelque chose qui est à l'intérieur de toi, ouais. Divulguer. Mais... Après, j'ai fait des poèmes, effectivement. J'ai écrit des poèmes et ça venait aussi de l'intérieur de moi. Enfin, je pense. Mais avec le poème, tu peux. Et puis l'autre n'est pas obligé de savoir que ouais, c'est toi, ça. Je pense. C'est quand tu racontes ton histoire d'amour, ben malheureusement c'est toi, ouais, donc il y a des choses qui vont se passer, qui vont te remuer, tandis qu'en poésie, ouais, tu peux faire des métaphores, tu peux. C'est ça, c'est ça. Tu peux te surprendre toi-même en poésie, c'est ça qui est bien. Ouais. Mais pareil, ça j'ai arrêté complètement, mais ouais, ça j'écrivais quand j'étais ado, ouais. Quatrième, troisième et seconde, ouais, début de. Ouais, 14-15 ans, quoi. Et en fait, tu veux toucher à toute forme de création. Alors, moi là, je suis vraiment plus dans le métier de comédienne, que ce soit théâtre, télé, ciné, voix off, en tout cas tous ceux où je peux interpréter, jouer et partager ce que moi j'ai ressenti d'un personnage, de ce que je. Voilà. Apporter ce truc-là. As-tu déjà abordé le rôle de clown? Oui! Alors, à l'école, on fait du clown. Oui, on a ça. Un passage obligatoire en clown. C'est intéressant, ça. Il y a plusieurs comédiens et comédiennes qui travaillent le clown. C'est génial. Mais parce qu'en fait, ça touche à son plus profond moi. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher. Non. Et notre prof de clown à l'école Claude Mathieu était... c'est-à-dire qu'elle nous voyait rentrer sur scène. C'était mademoiselle, présentez-vous, ou mademoiselle machin. Et dès qu'elle voyait qu'on essayait de tricher ou qu'on essayait de cacher un défaut, qu'on essayait, vous sortez. et ça tout le temps. Et on pouvait du coup ne jamais rentrer ou alors que pour ressortir. Mais et quand tu restais, ouf, là, il y avait comme une chaleur qui t'habitait. J'ai touché à quelque chose. C'est un de mes plus beaux souvenirs. De toute façon, ça a été un vrai tournant même dans mon apprentissage du métier de comédienne. Est-ce que tu les connais, Emma Laclos? Oui. Okay. Mais oui. Je l'ai rencontré il y a 4 ans. Ah. Ouais, grande danse. Comme ça, à l'occasion de... Oh oui, ici. Ah non, un petit peu plus loin parce que je rencontrais Jean-Pierre Coff ici. Ah. Puis après, je rencontrais Emma Laclos. Ouais, c'était comme deux univers. Un clown de... qui est Monsieur Coff et une clown professionnelle qui est grande dame. Elle travaillait sur son spectacle qu'elle a présenté il y a un an. D'accord. Sur la mort. D'accord. Tu t'en rappelles un peu? Alors, je passe ce spectacle-là. Mais c'est vraiment pas son meilleur. Son premier était... Moi, j'ai le souvenir d'Emma Laclos, probablement pour son premier, parce qu'on en avait parlé quand moi j'en faisais à l'école. Est-ce que tu l'as vu rencontrer? Non. OK. J'ai dû voir des vidéos, je pense. Ok, ouais. Mais c'est tout. Ouais. C'est sur YouTube aussi, tu peux. Ouais, c'est ça. Parce que je crois que notre prof, justement, nous avait dit d'aller voir. As-tu mis de côté ton côté clown ou Alors, je m'en sers à chaque fois. À chaque personnage, je m'en sers. Parce que je sais qu'au final, c'est ce qui va faire que je ne vais pas l'interpréter de la même manière que ma voisine ou ma copine comédienne et tout. As-tu le goût de travailler avec les enfants malades dans les hôpitaux avec ce personnage-là de plus? J'y ai pensé. Belle maman s'est cassé le pied, mais moi je me promène dans le marais. Belle maman s'est cassé le pied. Et moi je me promène dans le marais. Je répondrai plus au téléphone. trouver. Belle maman m'a trop cassé les pieds. Elle va être très très dure à retrouver. Oh, si belle maman était si jolie, je n'irai plus jamais dans les marais. Belle maman était si jolie, je n'irai plus jamais dans les marais. Je répondrai plus au téléphone. Je répondrai plus au téléphone. Je répondrai plus au téléphone. Au téléphone. Errance rénaldienne sur CKRL-NF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. C'est dur. J'y ai pensé. Mais il faut quand même être... faut avoir une vie extrêmement équilibrée. C'est ça. Je pense pas en être là. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Il faut vraiment être entouré. Il faut être très entouré, je pense. Vraiment être très épanoui soi-même. Tu peux pas retourner tout seul chez toi après avoir vécu... Surtout les enfants qui vont mourir ou qui sont... C'est ça. Mais c'est génial. Pour le coup, je pense qu'il doit y avoir aussi un... Ouais, mais en même temps, se détruire pour faire plaisir à quelqu'un, tu sais... Ouais, mais je pense qu'ils doivent recevoir aussi énormément. Il y a intérêt vraiment à être très équilibré. Il faut qu'il y ait suivi après travail. Même psychologique, en parler à quelqu'un, puis... C'est Howard Buten qui est clown, psychiatre pour enfants autistes et tout. Ah oui, ils en ont fait un film. C'est pas celui-là? Avec Robin Williams? Ah, je sais pas. Oui. Ah ouais? Oui. Ah, il y a longtemps. Mais là, Robin Williams, c'est enlevé la vie, là, mais en 90, je crois. Ah ouais? Oui. Il est habillé en clown, puis avec sa chaîne d'hôpital. Ah ouais? C'était par rapport à Howard Buten qu'ils ont fait ça? Oui, avec son des clowns. Ah, tu savais pas ça? Non, je savais pas. Moi, je suis une grande fan de... Je me souviens plus du titre, mais je t'enverrai des liens. Ça vaut la peine. Puis, il y a des DVD disponibles. Ça vaut la peine de regarder ça. Mais c'est certain qu'il y a un travail qui peut être beaucoup plus relax, moins demandant au niveau émotif. Parce que ça tue. C'est-à-dire que oui, ça peut être triste, toi. Mais après coup, après avoir touché à plein de variantes, est-ce qu'il y a des choses qui vont rester? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas travailler davantage et tu vas... Je pense que tout reste de toute façon, parce que comme je te dis, moi je m'en sers à chaque fois que je commence un nouveau spectacle, pour un nouveau travail de personnage et tout, je sais pas que je remets le nez à chaque fois, mais je m'en sers pour vraiment trouver ma sincérité, trouver... le chant, pareil, je peux m'en servir, je suis très contente. Voilà, après... est-ce que je referai vraiment un spectacle de clown? Ça, je pense pas. À moins d'avoir une opportunité ou quelqu'un qui me dirige ou qui voudrait, voilà. Mais de moi-même, en tout cas, je pense pas que je le ferai. Pourquoi? Parce que j'ai communiqué avec toi au début. Tu trouvais ça étrange que je veuille te rencontrer, que... Parce que déjà je savais pas comment tu me connaissais. Ok, ouais. et puis parce que, c'est surtout ça, oui, parce que j'intéresse pas un grand monde ici. Il y a une chanteuse encore, Clémence Desrochers, qui fait aussi de la chanson. Elle dit j'ai plus rien à vous dire, je suis pas un sujet à chanson. Mais en même temps, Internet est une ouverture. Oui. Moi, je t'ai connu sur Internet. Mais oui. C'est pas autrement. Je t'ai jamais vu en spectacle ici. Ben ouais. Donc mes rencontres, à part des gens qui sont connus à travers la musique ou tout ça, c'est Internet qui. Emma Laclune, je l'ai rencontrée. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur France Inter. Là, ça m'a intéressé il y a 6-7 ans. Mais moi, t'as pas entendu parler de moi sur France Inter? Non, mais c'est des liens. Je sais pas quel ami. que l'on a. Hein, mais Sonia, je crois. Ah, Sandra, oui, hein? Voilà. Ah oui, Sonia. J'ai oui, vu, oui. Ouais, ouais. Oh, que je rencontre à chaque année. Mais oui, elle m'a dit en plus. Ah oui, ah, quelle fille extraordinaire. Bah, c'est de la même école que moi. Oui, ah, okay. On avait même promotion, même école. Ouais, ah, ouais. Puis avez-vous travaillé ensemble? Bah, là, dans le spectacle de sortie d'école. Elle vient de terminer un court-métrage. Ouais, ouais, que j'ai pas vu, mais on n'a pas travaillé ensemble après l'école. Okay. D'ailleurs, je crois qu'on s'est pas revus et c'est ce qu'on s'est dit. Puis elle reste ici à côté, la première fois. Oui, mais oui, mais oui, oui, oui, oui, okay. Tout à fait. Mais en même temps, la vie fait en sorte que c'est fou, hein. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu as dit oui, parce que Sonia t'a dit. Ah non! Oh, ah non, hey, je sais pourquoi. Je sais pourquoi ça me revient. J'ai dit à Sonia, j'ai dit, j'aimerais que tu me présentes des gens que tu connais et qui mériteraient de se retrouver à mon micro. Elle m'a remis ton nom. Oh, elle est trop mignonne. Oui, oui. Et après ça, j'ai fait, mais là, ça fait une année et demie. Après ça, j'ai fait des liens. OK, je suis allé voir ce que tu faisais, tout ça. Puis là, tu parlais de voix-off. Ah, ben ça, c'est bien parce que j'avais rencontré un artiste qui, lui, fait des voix-off de séries télévisées. D'accord, ouais. Et qui s'appelle Anglade. Non, ça me dit World Anglade, c'est un français. D'accord, non, ça me dit rien. Mais en tout cas, il a fait Miami Vice. D'accord. Mais un petit rôle de rien. Bon, après, si c'est un petit rôle récurrent, ça peut. Ah non, il fait flinguer. Ah, bah, oui. Ça serait pas de chance. Et puis le budget aussi, hein, fait un flingue avec coup, ça. Et donc, c'est ça, c'est Sonia qui. Tu sais, le bouche à oreille, hein. Et ouais, ouais, là, tu vas ouais. Voir sur Internet, puis là, tu dis, ah, ben, OK, ben, là, tu descends, c'est un peu comme l'arbre généalogique. Et là, quand tu m'as dit, ben là, tu connais, est-ce que tu connais l'auteur québécois, ben, un livre ici, puis là, tu dis, ben, je vais faire ma recherche, puis voilà. C'est... Ouais, c'est trop gentil, ça. Non, mais c'est bien, puis il ne faut pas attendre après les grosses radios, puis les télés. Non, mais ça, bien sûr. Mais ça, je le sais. Enfin, j'attends même pas, j'essaye. Je vais même pas dire, j'essaye maintenant encore. Mais as-tu cette inspiration-là d'un jour faire de la radio, d'animer Non. Non? Non, j'ai pas cette inspiration-là. Je ou crois lire que... des textes, comme on entend des fois à France Culture À lire des textes, oui. Okay. Ça, faire la fiction radiophonique et tout, ça oui, ça oui, mais il faut réussir à y accéder. Radio France, j'envoie ma bande... Ah non, mais Radio Libertaire, c'est une radio qui... Oui, ça, mais j'ai fait un peu l'année dernière, j'avais eu une interview là-bas pour Les Précieuses Ridicules, quand je jouais et tout, ouais. Est-ce qu'il y a des auteurs que tu voudrais revendiquer, que tu voudrais raconter, que tu voudrais parler à la radio, non mais si à un moment donné tu fais une radio libertaire, ou est-ce qu'il y a des textes que tu trouves évidemment absents de notre culture et que tu voudrais mettre en... Mais moi il y a... Non, enfin, pas comme ça. Après, il y a des textes, moi, que je veux monter, moi, donc à la limite, j'en parlerai. Non, pas les miens. Okay. Mais par exemple, en ce moment, effectivement, je travaille sur une mise en scène d'une pièce québécoise. Ah, qui ? D'un auteur qui est tout jeune, enfin tout jeune, qui doit avoir 2-3 ans de plus que moi, qui s'appelle David Paquet. Et tu l'as rencontré comment ? Et je l'ai rencontré comme Steve Gagnon. Ok. Mais pas de... Jamais, en fait, je... On en dit fait, pas Paquet. Ah, on dit comment ? On dit Paquet. Paquet. Pocket. Okay. En fait, il se trouve, donc ma copine Martine Poirier, avec qui j'ai fait l'école, là, m'a fait connaître Michel-Marc Bouchard. Ah oui, ah ben là, lui, il est connu. Qui est génial. Ah moi, oui, mais lui, c'était connu. Mais bien sûr, il est connu, mais nous, en France, il n'est pas très connu. Ah non, mais écoute, il y a Michel Tremblay qui n'est pas connu beaucoup aussi. Mais... Ah ben, il est connu un peu, parce que voilà, je connaissais Tremblay. Ok. Et elle a monté, du coup, à l'école, les Muses Orphelines. Ah oui. Bouchard. Quel texte. Mais quel texte, mais magnifique. Et du coup, moi, je me suis penchée vraiment sur le reste de son théâtre. Enfin, je suis tombée amoureuse de tous ces textes, hein, quasiment. Mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? C'est la langue. Ah, c'est la langue. C'est la richesse des métaphores. C'est force, la métaphore. Oui. Hein. Non, mais moi, ça... Mais j'adore votre langue. C'est... Je sais pas, il y a un truc où nous, on joue beaucoup sur le deuxième degré. J'en peux plus. Ah, ouais. J'en peux plus de ce deuxième degré. Et là, il y a toujours des... C'est très brut, c'est très... C'est très, voilà, premier degré, très, et beaucoup d'images. C'est très rentre dedans. Et ça, j'aime ça. Parce que du coup, je trouve ça plus vrai, plus... Plus direct. Ouais. Moins hypocrite. Plus sincère. Moins aussi, hypocrite. Mais c'est tes amis qui t'ont fait connaître ces auteurs. Alors, non, eux, ils m'ont pas fait connaître ça. C'est en fait, moi, du coup, j'ai fait plein de recherches pour grâce à Internet, du coup, pour trouver des textes du coup québécois, d'autres auteurs québécois. Pourquoi québécois et tout. Mais parce que je voyais ce Michel-Marc Bouchard avec ses textes et tout, je me disais, mais cette langue-là m'intéresse vraiment à jouer. Mais tu la comprenais? Ah ouais. Oh oui. Oui, oui. Parce que c'est pas Bouchard quand même. Plus ou moins de joie, il y en a ouais, un pas peu. Tant que ça. Non, Michel Tremblay beaucoup plus. Ouais, plus dans Tremblay. Okay. Dans Bouchard, non, pas trop. Non. Et du coup, j'aimais ça. Et j'ai fait quelques recherches sur Internet. Et il y avait à chaque fois des petits, je sais plus sur quel site, une sorte de bibliothèque du théâtre oui. Là-bas. Oui, oui, québécois. Voilà. Et je suis tombée, où il y avait des extraits de pièces et tout. Et je suis tombée donc sur ce texte de David Peck. Paquette. Non, c'est bon, Paquette. qui s'appelle Porc Épic. Et que j'ai commandé, du coup, enfin, par chance, elle était à la librairie du Québec à Paris. Okay. Donc là, je l'ai prise. Ah, il y a une librairie du Québec Ouais, à côté du Jardin du Luxembourg. Oh. Il n'y a pas tout, hein. Ça, il n'y avait pas, par exemple. Ah, non, ouais. Ils peuvent commander. Mais... Ils peuvent commander, ouais. Mais c'est là où, une fois, la seule fois que j'ai voulu faire commander un truc, ça a mis 6 semaines. Alors, je me suis dit, là... Il y avait le prix, mais il y avait aussi les 6 semaines. Je me disais, mais non, mais c'est là que j'ai envie de le lire. Oui. Mais qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, là, dans ce que je t'ai offert? Là-dedans... Si tu peux lire le titre, parce que c'est de la radio. Ça s'appelle « Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles ». Et effectivement, et en fait, ça parle de la place de l'homme. Fort, hein. Ouais. Le titre est fort. Moi, rien que le titre, je me donne envie de lire le livre. Hein. Ça ressemble à du... Il y a un conteur chez nous qui s'appelle Fred Pellerin. Fred Pellerin, oui. Son univers. Oui, mais qui vient en Paris. Ouais, qui est connu ici. Et c'est une écriture vraiment des racines. C'est ça. Et de la place de l'homme et de comment... Ouais. Et toi, est-ce que ça t'interroge de ta place à toi sur la terre? Pourquoi tu es ici? Est-ce que tu travailles à... Est-ce que tu réfléchis à ça? Ou c'est à travers les auteurs que tu essaies de te forger? Non, je peux un peu m'interroger. Je me suis un peu interrogée. Je m'interroge un peu même sur effectivement mes racines, ce qui reste de ce qu'il y a eu toi, avant moi. Ou... Je suis pas parisienne, je suis du centre de la France. Alors c'est drôle parce que tu vois, tu m'emmènes au Sancerre là. Oui. Et moi, je suis pas très loin de Sancerre. Je suis à 30 km de Sancerre dans un petit village qui fait du vin. Ah mais c'était voulu ici quand même. Encore meilleur que le Sancerre. Oui. Ouais, mais c'est où? C'est quoi? Ça s'appelle Mentou Salon. Ok. Mentou Salon. Ouais, c'est un très très bon vin. Voilà. Et moi, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, je suis partie à Orléans, à Limoges, pour finalement atterrir à Paris il y a 13 ans. Parce qu'il n'y avait rien à faire là-bas pour toi. Ah ouais, non. Non, c'est fermé. Non, mais non, c'était bien pour y grandir. Oui, mais c'est des régions assez hermétiques. Ah ouais, Si tu veux travailler, il ne faut pas rester là. Bah, c'est dur que pour la publicité, non, il ne fallait pas, que je sois là-bas. Il faut aller à Paris. Et après, moi, à Paris, j'aime bien Paris, j'adore y vivre. Hein, oui, mais en même temps... essaye de faire ça. Ah, mais j'aime ça. Lutte, j'aime tout ce mouvement. Cette lutte, aussi. Cette action, ouais. Un peu comme New York. C'est ça. New York, j'adore. As-tu déjà visité New York? J'ai visité New York, ouais. J'ai mon meilleur ami qui vit là-bas et du coup, j'y suis allée. Un anglais? Non, qui est parisien aussi. Et qui travaille à New York. Ouais. Et il est comédien? Ah, il n'est pas comédien, non. Non, j'ai pas que des amis comédiens. Des fois, ça c'est vrai. Non, il n'est pas comédien, mais effectivement, il vit là-bas, donc j'étais passée le voir 10 jours et oui, j'ai adoré. Ah, c'est bien New York. C'est bien. On s'y sent chez soi, en fait. L'effervescence. Cette effervescence, ce truc aussi. Ouais, je pense qu'on a vu toutes ces images partout dans les films aussi, donc on a l'impression déjà de connaître. Là, c'est rendu qu'Woody Allen est amoureux de Paris, il fait des films sur Paris. Faudrait qu'il me fasse tourner dans ses films. Ben oui, c'est ça. Écoute, il va t'entendre, peut-être, éventuellement. Il n'y a pas que Carla, quoi. C'est ça, non, effectivement, il n'y a pas que Carla. Mais sans doute que le côté, fashion, je ne sais pas. Mais... Et les projets, est-ce que c'est des projets que tu cherches ou si c'est eux qui viennent vers toi? Est-ce que c'est toi qui vas vers la... Alors, ça dépend. C'est très variable. Là, la pièce que je vais jouer à Avignon à partir de la semaine prochaine, c'est eux qui sont venus vers moi. Ouais. Mais Avignon, c'est pas la tour de Babel, ça. C'est pas... Les gens vont mettre beaucoup d'argent, beaucoup de travail là, pour trois fois rien. Des fois, ils reviennent ici sans le sou. C'est ça. Hein? Ils se sont... Ah non, mais c'est ça. Parce qu'il y a tellement de spectacles là-bas. Ils perdent de l'argent. Après, c'est bien pour rencontrer du monde, oui. Pour se faire connaître. Oui, mais toi, ça dépend. Si toi, tu défends un projet, puis c'est toi qui loues ta salle, puis tu perds de l'argent. Mais si tu es comédienne, tu peux gagner de l'argent. C'est ça. Ce qui t'arrive, là? Alors, gagner de l'argent, je n'irai pas jusque-là quand même. Je vais gagner quelques cachets pour mon intermittence, mais je ne vais pas gagner vraiment d'argent. En fait, c'est juste le plaisir d'être à Avignon avec les artistes. Ça, voilà, et puis de se dire peut-être que le projet va pouvoir évoluer aussi. Peut-être qu'il va y avoir des dates qui seront achetées pour la saison d'après. Peut-être. Oui, c'est ça. C'est une grosse soirée au théâtre. C'est une grosse soirée au théâtre, c'est se faire connaître. Voir aussi d'autres gens aussi qui peuvent nous intéresser pour nos propres projets. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent là. Ah bah là, oui. Moi, c'est la première fois que j'y vais, mais... Okay. Mais alors toi, c'est le plaisir, c'est encore le... Ouais, moi j'avais envie de voir de toute façon comment ça se passait. Puis c'est qui t'a demandé d'y aller? D'y aller, c'est une compagnie avec la... Enfin, c'était pas la même compagnie, mais c'était des comédiens avec lesquels j'avais déjà fait un projet qui s'appelait... j'avais remplacé une comédienne dessus, sur la cantatrice chauve. Ah oui, Iresco. Ouais. Et j'avais pas beaucoup fait de date dessus parce que j'étais vraiment que remplaçante, mais du coup, ils ont décidé de monter un autre projet qui s'appelle Landru et Fantasy, donc sur l'affaire Landru, qui était un tueur en série. Oh oui, oui. Ils en ont fait un film. Ouais, ouais, ouais. Même plusieurs, je mets moi. Plusieurs, ouais. Mais... ce projet-là, c'est un rôle important ou... Alors, c'est C'est un rôle important dans l'histoire. Okay. C'est pas un rôle où j'ai beaucoup de textes. Okay. Mais c'est un rôle important puisque je fais partie des victimes de Landru et que je représente toutes les victimes, toutes les femmes qu'il a tuées. Ah. Donc, tu es la femme. Je suis la femme qu'on tue sur scène. voilà, qui représente les 11 personnes qu'il a tuées effectivement à l'époque. Et c'est combien de fois ? Et c'est 24 représentations tous les matins. Oh, le matin, je vois le matin. À 10h30, ouais. Et le public à 10h30. Oui, mais à la fois, c'est le premier spectacle de la journée. C'est lourd un peu, non ? Ah, moi, je me dis, en même temps, Avignon, il va faire très, très chaud. Jouer le matin, pour nous, c'est peut-être pas non plus aussi désagréable que ça. Ah, tu peux aller voir d'autres pièces de théâtre. On peut aller voir d'autres pièces de théâtre derrière. Et puis, il fera un petit peu moins chaud qu'à 15h. S'il y a des programmateurs ou des journalistes qui viennent, pareil, ils n'ont pas forcément vu de pièces avant. Enfin, ça, pour le coup, c'est sûr. Donc c'est pas si mal. De toute façon, on sait que c'est la loterie. Ouais. Avignon, il y a tellement de spectacles. Mais ça doit t'exciter d'aller là. C'est... Ah ouais. Je suis super contente d'aller là-bas. Ça va être la colonie de vacances. Puis en plus tu vas jouer. Et en plus je vais jouer. Puis Avignon, c'est tellement beau. Et Avignon, c'est super beau. J'ai plein d'amis qui seront sur plein de pièces différentes aussi. Okay, donc on va se revoir. Voilà. On joue tous à des horaires différents, mais on va réussir à trouver des moments. Oui, mais le soir, il y a toujours cette effervescence là que tout le monde est un peu... C'est ça. Puis il y a beaucoup de pièces en plein air, donc c'est... Et il y a aussi des pièces en plein air, ouais. C'est la fête du théâtre. C'est vraiment la fête du théâtre, c'est le rendez-vous annuel un peu. Ouais. Qui grossit d'année en année. Alors après, ça va avec... c'est pas que du positif non plus, c'est ce qu'on dit. On est un peu perdu dans la masse des 2000 spectacles. Ouais, mais on sait jamais. Mais on sait jamais. J'ai une petite question. Ah oui, vas-y. Ça nous amène. Ah bah vas-y. Si tu étais... Bon ben là, je sais déjà un peu ce que tu vas dire. Si tu étais un liquide... Ah, un sirop d'orgeat. Oui. Oui. Pourquoi pas? Non, je le mène tout salon. Ok. Ok. Un bon petit vin, c'est mon enfance, quoi. Ok. J'étais un peu sauvage. Ici, c'est quand même assez cher. À Paris. Et puis souvent, ils ont du rouge en même tout salon, alors que c'est plutôt le blanc. On va regarder sur la carte. Okay, mais il y a au vert, je ne sais pas ici, là, un beau petit petite boutique de vin là, assez spécial. Ça s'appelle Au vert. Au vert le vert ou quelque chose. Ah ouais? Oui, c'est très intéressant. C'est ça. Ah, mais, je ne vois pas. Mais ici, à Paris, ça doit être quand même assez cher. C'est assez cher. Oui. Ah bah oui. Ouais. Alors si, puis c'est blanc ou rouge ? Alors c'est plutôt blanc et dans les restos ils ont surtout du rouge parce que c'est pour blanc. Accompagner avec. Il est très bon aussi, mais c'est surtout le blanc qui est réputé. Ok. Toute la nuit à jouer les rebelles. Mais c'est... c'était une ville? En Paris. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ouais, j'y suis bien, ouais, Paris. Si tu étais une langue? Ah ben, je crois le québécois. Hein. Ben, c'est pas une langue, c'est un dialecte. Oui, c'est un dialecte, ouais. Langue française venant du voilà, Québec. Tu vois, avec des expressions directes, oui. Rentre dedans. Oui, rentre dedans, oui. Voilà. Ça frappe dans le dash, comme on dit. Bah, exactement, mais c'est ça que je l'ai. Ça veut dire, ça frappe dans le dash? Mais elle y est, ça tape à l'œil. Ouais. C'est, hein? Mais, ouais. Mais ça frappe dans le dash, parce que nous, on appelle le devant d'une voiture un dash. Alors quand tu frappes, ça frappe dans le dash. Eh ben, oui. Ben, mais elle est dans Porc-Épic, cette expression. Oui, ben écoute, Scott Price, qui est bassiste, puis même Arthur Rivlin, que j'ai rencontré tout à l'heure, ah? M'a rappelé encore, parce que ça les frappe, cette façon de dire, ça frappe dans ça le dash. Ça frappe dans le dash. Effectivement, ça frappe tellement dans le dash qu'on en parle encore. Ben oui, tu vois. Si tu étais une époque... Je serais pas celle-ci. Je serais. J'aimerais bien, tu vois, le fin 19e siècle. Ok. J'adorerais rencontrer Arthur Rimbaud, par exemple. Ok, oui. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je sais pas si j'ai envie de lui dire quelque chose. Okay, ou le croiser dans la rue. Ouais, je voudrais pouvoir l'observer. Pour à chaque fois peut-être repasser devant. Si tu connais sa chronologie, c'est ça. Tu échappes un mouchoir. C'est ça, ouais. J'aimerais pouvoir l'observer. Pourquoi qu'est-ce qui te fascine chez ce gars-là? Cette rébellion qu'il a eue très jeune. L'impertinence. Cette intelligence. Parce que tu lis ses écrits, même quand il avait 7 ans, tu te dis, mais je suis même pas capable de faire tout ça, moi, à mon âge. Ans. Ouais, tout a été écrit, mais vraiment, mais même ses versions, c'est. Quand il avait 7 ans, vraiment, tu lis ça, tu te dis. Bah on est loin, on est très loin. Qu'est-ce que le vécu pour écrire ça à 7 ans? Hein? Ouais, et puis quelle éducation, quelle discipline aussi. C'était pas tout rose, hein, c'est sûr, mais et j'aimerais bien voir. Et ce marcheur, ce voyageur, ce... voilà. Ouais. Si tu étais une époque, si tu étais un mot... Un mot? J'aime bien les mots qui sonnent, alors tu vois, mélancolie, mais c'est un mot triste. Okay. C'est dommage parce que je trouve joli. Tu peux l'apprêter autrement? Oui, je peux l'apprêter autrement. Pour qu'il soit moins mélancolique? Mais tu vois, c'est joli. Je trouve que c'est un joli mot oui. Dans la manière, dans la diction, dans la, oui. La mélancolie. Oui, il y a le même. Voilà. Et mélancolie, ça finit par colis. C'est voilà. Bon. Si tu étais un aliment. Un aliment ou du fromage. Lequel? Comme ça me vient à l'esprit reblochon, mais... Ok. Ah oui? Ouais. Ah, j'aime le fromage. Ok. Si tu étais une saison? Printemps. Je suis née au printemps. Ok. Il y a tout qui se passe, qui renaît. Bon, ouais. C'est, ouais. C'est bien ça. Printemps. Ouais. Si tu étais un membre corporel? Les jambes. Pour avancer, on avance. Les tiennes ou celles de... Les miennes. Ok. Si tu étais un moment de la journée? Le matin. Vers quel... Je suis du matin, j'aime bien me lever tôt. Ah oui? Ouais. 8-9 heures? 7-8 heures. Okay. Ah oui? On aurait pu se rencontrer à 9 heures du matin. Ah bah tu vois. Ah oui? Ah ouais. Ah! Ok. Ouais. Moi j'aime bien me lever tôt, j'aime... Pour voir passer la journée? Pour avoir toute la journée devant moi. Alors tu te couches tôt? Je me couche pas forcément tôt, non. Enfin, je me... pas tard, tard non plus, mais minuit, une heure, voilà. Et je me lève tôt. Okay. Tu fais pas de sieste en après-midi? Non. Ah, mais t'es jeune encore. Parce qu'après, sinon, je dors pas le soir. Ah oui, ok, oui. Si tu étais un autre individu? Ils sont compliqués, tes questions. Oh, je sais pas, toi? Qui? Toi? Moi? À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oui. Pour en arriver là? Pour en arriver là, ouais. Ouais. Avec ouais. Les mêmes erreurs, les mêmes lenteurs? J'ai pas eu l'impression de faire des erreurs. La lenteur, elle m'a permis de prendre confiance en moi. Enfin voilà, c'est ce que je dis tout à l'heure, je te disais, j'ai fait mes études pour faire plaisir à mes parents. à la fois si j'avais fait mon école de théâtre après avoir passé le bac, je n'étais pas prête. Je me serais cassé les dents, j'aurais abandonné. J'avais pas le mental, je pense. La maturité. Ouais. Donc, la maturité, peut-être que je l'avais, mais j'avais pas le mental. C'est-à-dire qu'à la moindre critique, à la moindre. Ah, ouais, ouais. J'aurais. Ouais. Est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Qu'est-ce que tu vois pour toi là, dans les. J'évite de me projeter. Ok. Mais là, tu as des projets jusqu'en 2017. Voilà. Ça, par rapport au théâtre, par rapport à mon métier, de toute façon, j'ai l'impression que ça dépend tellement pas que de moi. Que voilà, moi, je vais tout vous faire en sorte. Mais vois-tu que ça commence à se défricher? D'une certaine manière, oui. Et d'un autre côté, parce que c'est moi qui tient les rênes. Mais... Oui, mais avant, t'en vivais pas. Maintenant, t'en vivais. Oui, peut-être voilà. Que certaines... On va dire que... Pour vu ça, comme ça pour vu ça. Comme ça, oui. Ouais. Mais tu voudrais que ça fonctionne plus. Ah, je voudrais que ça fonctionne plus, ouais. Mais en même temps... C'est normal. Je pense que c'est normal. Mais il y a tellement de comédiens. Non, mais j'ai déjà énormément de chance de pouvoir en vivre et tout. Hein. Oh, c'est... Oui. Mais, voilà, d'être... d'en vivre un tout petit peu plus confortablement ou un, voilà, d'être un tout petit peu plus reconnu. J'ai jamais voulu être une star ou en tête d'affiche ou ça, je m'en fiche, mais voilà, pouvoir faire mes projets comme je veux et ça, par contre, ouais, j'y tiens. Qui dit qu'Avignon ne sera pas cette porte-là? Mais peut-être. C'est pour ça qu'il y a cette frénésie-là chez toi, là. Peut-être. Tu m'en parles sur Facebook, frénésie. Là, je dois partir. Mais ouais, il faut toujours parler de son actualité aussi, hein. Oui. Ben donc, c'est ce qui se prépare dans les mois à venir. Dans les semaines à venir, surtout. Bah là, à Avignon, je pars demain. Oui, alors c'est... Ouais. Je les ai aidés ce matin, là, l'équipe, parce qu'eux sont déjà descendus. À placer le décor? Non, à descendre, à charger le camion. OK. De? Pour descendre le décor, c'est justement. C'est ça, le décor? Ouais, oh, voilà. OK. Et puis après, je suis venue te voir, du coup. OK, tu devais suivre le groupe, mais tu as dit non, coup, Rénal, je dois rencontrer Rénal. Je dois voir Rénal, donc c'est pas possible. Ah, mais je pouvais pas non plus, j'arrivais aujourd'hui. Mais je sais bien, okay. Mais je t'avais dit. Oui. Donc, oui. Mais non, mais c'est très bien, mais moi je les rejoins demain, donc tu vois, c'est bien, comme ça, eux déchargent le camion une fois sur place. En train? Moi, je descends en train. OK. C'est combien de temps, en train? En train, c'est 2 heures. OK. C'est rien. OK, dit. Là, eux vont t'attendre avec... Eux vont m'attendre, ils vont pouvoir décharger le camion tranquille. Ah, OK, toi, t'arrives, tout est fait. Voilà. C'est ça, la diva, on va jouer déjà, puis tout est prêt. Écoute, merci d'être passé. Bon, merci beaucoup, à toi. Puis, on se reparle de ce livre-là qu'on va lire peut-être... On va lire, exactement. Bah, écoute, avec les commentaires, hein. Moi, je fais toujours des... Des petites annotations. Oui, exactement. Très bien. Au crayon feu de jaune, là. Et on va voir ce qui nous a touchés. Toi, ouais. Étant française, puis moi, étant québécois. Carrément. Après, si jamais tu le rencontres... Oui, parce que peut-être, ouais. Finalement, oui, tu vas être amené à le rencontrer. Je vais peut-être t'envoyer des liens, puis pourquoi pas. Enfin, tu me diras. Écoute, merci d'être passé. Bon, merci à toi. Puis écoute, merde pour ce qui est à Avignon, si jamais tu peux arriver. Mais je prends la merde. Oui, et est-ce que tu l'as déjà joué avant, excuse? On l'a joué 4 fois l'année dernière. OK. Et ça s'était plutôt bien passé. Oui, même à Montmartre, là, au théâtre Galabru. Ah oui? Ouais. Et puis, ça s'était bien passé. Mais pourquoi jusqu'à 4 soirs? Parce qu'on avait décidé de le jouer jusqu'à 4 soirs, le tester. Le travail de pratiquer, d'apprendre le texte, 4 soirs, c'est très éphémère. C'est... On savait qu'on allait le reprendre, finalement. Ah, OK. Mais on ne savait pas forcément quand. Et là, vraiment, ils nous ont proposé d'aller le jouer à Avignon. Moi, je trouve que c'est... C'est chouette. Ouais, et puis ça va nous permettre de le roder aussi, de le jouer autant de fois. Ouais. Donc ça, c'est super. Là, vous avez pratiqué, tout est prêt? Là, tout est à peu près prêt. Moi, j'ai... plus, on a un peu modifié certaines choses, donc moi, maintenant, j'ai une chorégraphie dedans, j'adore. Es-tu du genre à paniquer? Ouais, mais j'aime. Enfin, un trac. Ouais. Avant de jouer, j'ai un trac, oui, mais j'adore. Mais fou? Non, Drell... pas paralysant. Okay. Pas. Drell était... vomissait avant ça, peut-être. Ouais. Oui. Enfin, moi, je vomis pas, mais... Ouais, la plus grande crainte, est-ce que c'est d'oublier ton texte? Ouais, et ça, j'en rêve avant de jouer. Et as-tu de la mémoire? Je sais que j'en rêve. Oui, j'apprends très vite. Enfin, les bons textes, je les apprends très vite. Plus un texte est mal écrit, moins on apprend vite. Mais... As-tu peur de... Ben, c'est facile parce que t'es jeune. Annie Girardot a fini avec Claude Lelouch grâce à l'écouteur qu'on lui a envoyé le texte. Il y a beaucoup de vieux comédiens comme ça. Ben oui, j'ai peur de perdre la mémoire. En même temps, Galabru est en pleine forme jusqu'à la fin. Oui. Ça, c'est fou. Ah, en tout cas. Mais oui. Mais il jouait. Hein, écoute, je l'ai vu il y a 2 ans dans une pièce de Pagnol. Ouais. Le fils du boulanger. Oui, le fils du boulanger, ouais. Incroyable. Et là, il jouait, nous, c'était son théâtre encore, hein. Et bah, le metteur en scène de Landru lui faisait les lumières. Et il le mettait un peu en scène, le dirigeait un peu. Enfin, c'était un monologue. Enfin, c'était un. Ouais. Une soirée, il était tout seul et tout, mais c'était émouvant, ouais. Ouais, surtout un vieil homme. Là, ouais. Sur la fin. Mais au moins comme. Mais qui porte tellement d'histoire en lui. Ah, ouais, ouais. Puis même la bouille, hein. Ouais. À la télé, il était incroyable quand il parlait. Il pouvait s'emporter juste à s'entendre parler lui-même, mais il s'emportait. Puis c'est un personnage. Ouais. Hey, merci. Bon, merci à toi. Et puis maire d'Avignon. Ben, je te dis. C'est une histoire. Je te tiendrai au courant. Tu verras mes statuts Facebook. Et oui, puis via aussi notre. Exactement. Notre lien entre la lecture. Oh, ouais. Merci. C'est super. Merci Salut. Beaucoup.